bienvenue au Prog Show, émission du 30 avril 2005. Sylvain Carl au micro. Au menu aujourd'hui, logiciel libre, système d'opération, licence de musique internet dans la loi canadienne, retour sur l'Assemblée générale de Facile, et beaucoup d'autres sujets dans votre radio internet indépendante, technologique. Bonsoir à tous. Il est intéressant de constater qu'un bonsoir dans un média pensé pour être écouté un peu n'importe quand ne s'applique pas vraiment. Alors, c'est du time shifting de ma période à la vôtre. Bonsoir, bon matin, bon midi, bon après-midi, bonne nuit, peu importe. Fin de soirée est un temps privilégié pour moi prendre le micro. Nouveau micro aujourd'hui. Nez bouché, donc amélioration notable peut-être au niveau de la capture et dégradation possible au niveau de la diction. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. C'est notre dicton ici à cette émission. Petite note pour commencer. Quelques recherches au niveau de la licence pour la musique, pour la diffusion audio internet. Faites des recherches un peu, poser quelques questions. Michel Dumais m'a fait une belle réponse dans son billet podcasté en toute légalité. Selon certaines de ses recherches et des questions, j'ai été amené à la page des tarifs de la SOCAN, la Société canadienne des auteurs. Et en tant que radio non commerciale, je dois payer 1,9% de mes coûts bruts d'exploitation en licence à la SOCAN pour avoir droit de diffuser de la musique. Et puisque j'ai appris que la multiplication par zéro était très facile lors de mes années au primaire, je considère ainsi que j'ai payé tous les droits nécessaires à la diffusion de la musique, parce que 1,9% fois 0$, ça donne 0. Et donc, je conclus que je diffuse en toute légalité canadienne, tant que la loi sur le tarif 22 n'est pas votée. C'est à suivre. Un de mes objectifs ici au micro, c'est de faire une émission techno un peu moins bébelle, un peu plus hardcore. Non, je sais pas si on peut dire ça. Un peu moins bébelle, pas trop grand public. Je me posais la question cette semaine sur mon blog si je devais, suite à la diffusion de certains segments que j'ai filmés avec Jean Huroy de Radio-Canada sur la sécurité sans fil, j'ai eu des bons commentaires sur ma prestation. J'ai très envie de faire ça, de faire de la radio, de la télévision au sujet de la technologie, mais je vais certainement pas attendre après des producteurs, des réalisateurs, des diffuseurs. Nous avons tout ce que nous avons besoin sous la main. Un laptop, un petit micro à 25$ acheté chez Bureau en gros, ce qui est déjà mieux que mon zéro micro d'auparavant, et la technologie Internet pour diffuser. Alors voilà! Ouf. La mort. La mort de la post-bulle. La post-bulle est terminée. Je l'ai déclaré officiellement vendredi cette semaine. C'est l'ère du Web 2.0 qui commence. Ça suffit. Nous avons eu la bulle. Nous avons eu la post-bulle. Et nous avons fini de gémir, de geindre et de nous plaindre. Nous allons être efficaces maintenant. Nous avons maintenant plus de demandes que ce que nous pouvons offrir au sein de notre compagnie. Engager de nouveaux programmeurs, nouveaux chefs de projet. Récemment, deux programmeurs, un chef de projet. Ce qui a causé quelques émois, puisque dans mon offre d'emploi initiale, sur mon blog, qui s'avère être une méthode fantastique de recrutement, je dois l'avouer, j'ai déclaré que nous étions pour faire des recherches sur Google sur le nom des candidats qui étaient pour soumettre leur curriculum vitae pour appliquer sur le poste de développeur et de chef de projet. Réponse négative de certains, positive de d'autres, sur la valeur de l'autorité de Google, sur des craintes. C'est vraiment une question de culture pour moi. Si je me faisais dire une telle chose par une grande compagnie avec des grands bureaux et des départements légaux et de ressources humaines, allant plus finir, je serais peut-être un peu effrayé. Mais c'est pas le genre d'endroit où je vais aller travailler non plus. En fait, ceux qui craignaient que le fait que ce qu'ils auraient pu dire dans des blogs perso jouerait contre eux, n'ont pas compris que, au contraire, pour moi, quelqu'un qui est capable d'exprimer son opinion personnelle et de faire la part des choses entre sa personnalité et son travail, malgré le fait que la personnalité de quelqu'un influence grandement son travail, c'est donc pas de façon négative, mais de façon positive que je regarde ces choses-là. Et de toute façon, incidemment, le développeur qu'on a recruté 2 jours après que l'annonce a été postée sur mon carnet, l'incidence de Google a été très très minime, on n'a pas trouvé grand-chose, mais ça ne nous a pas empêché non plus de l'engager. Et si on avait trouvé plein de trucs, comme un des derniers chefs de projet que j'ai engagé, ben ça aurait été que positif pour nous. Alors, les grands conspirationnistes, rassurez-vous. J'ai fait une presque conférence, très très déçu de ne pas pu avoir donné une conférence à l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision et de la SARTEC, qui sont les auteurs. Il y avait un colloque qui s'appelait « Internet, menaces ou possibilités ». Où la majorité du focus, me semble-t-il, du dépliant était sur la menace plutôt que sur la possibilité. J'étais très heureux de voir que Jean-François Gagnon, un ami à moi, président de LVL Studio, de culture Internet justement, donnait une session. Je lui envoie un courriel pour lui dire que j'étais bien content de le voir là. Il me dit « Je peux pas être là, tu veux-tu me remplacer? Ça me ferait plaisir. » Ok, on se rencontre vendredi. Et j'avais préparé ma grande dithyrambique passionnelle vision d'Internet où je voulais parler de la culture du remix, de Creative Commons, de la long tail, du fait que les gens sont toujours branchés, de la culture de réseau, du plaisir de pouvoir partager, diffuser, créer, recevoir. Et prendre plaisir aux produits culturels. Je m'étais même commandé un t-shirt de Creative Communiste que je voulais porter pour l'occasion afin d'être casting au maximum. C'est des gens qui comprennent bien ça. Ça a malheureusement pas eu lieu. La notice est venue à trop court terme et peut-être que les gens sont venus lire mon blog et ont vu ce que j'en pensais, ont décidé de pas m'inviter. Tant pis, nous allons redonner cette conférence que j'avais préparée bientôt. Je vous annoncerai quand, pourquoi et comment, mais je sais, pour avoir parlé à certains cinéastes qui sont là depuis longtemps, ou à certains musiciens, compositeurs, que l'Internet, c'est fantastique pour eux, mais qu'ils n'y comprennent rien. Alors, j'aimerais bien pouvoir un peu faire l'apologie de cet Internet de possibilités plutôt que de menaces. De remise en question, certainement, pour l'industrie, mais une ère intéressante pour les créateurs. Donc, segment musical à suivre. Non, ce n'est pas du tout ironique. On écoute NoFX qui nous joue Dinosaurs Will Die. Ouais, c'est ça. Voilà. Semaine rapport controversé, en fait, article de Michel Dumais, encore une fois, dans Le Devoir. Son dernier, malheureusement, ce qu'on aura appris, sur le rapport Weibo, qui est un rapport publié par l'École des hautes études commerciales de Montréal sur la solution 1000, qui est faite par le CRIM, modèle d'infrastructure en logiciel libre et en éducation, comparativement à la solution offerte par GRIX, qui est la Société informatique des commissions scolaires du Québec. Beaucoup de vagues sur ce rapport qui donne des différences de 57 à 75% au niveau des coûts entre les solutions de logiciels libres, donc à l'avantage des solutions de logiciels libres comparativement aux solutions propriétaires mises de l'avant par la GRIX, et qui pose la question aussi, qui pose une réflexion plus large, poussé plus loin par notamment Clément Laberge à Québec sur le rôle de la technologie en éducation comme outil pédagogique. Donc, très intéressant rapport. Nid Frelon, certains ont cru que c'était la rédaction de cet article qui avait mis fin à la brillante séquence de Michel Dumais au Devoir qui amenait un point de vue social et de réflexion sur les technologies de l'information au Québec et de manière plus large dans la société. Ce qu'il a démenti, en tout cas de manière publique, c'est ce qu'il en déclare. Peut-être que ce serait intéressant de l'entendre d'ici quelques mois pour sa perspective là-dessus. Michel a toujours été quelqu'un que je respecte beaucoup au niveau de ses propos. Nous avons eu l'occasion de ne pas être d'accord et avec plaisir. Mais c'est quelqu'un qui est intègre et qui va toujours dire les choses comme il les pense, sans détour. Ce que j'ai eu l'occasion de faire aussi récemment dans d'autres médias, Michel était un de ceux qui savait citer avec respect, c'était un de ceux par qui j'ai été interviewé qui a le mieux retransmis mes propos. Un autre de ceux-ci, Jean Groy de Radio-Canada, que je connais aussi depuis belle lurette, depuis plusieurs années, un des pionniers de l'utilisation de l'Internet par les journalistes au Québec. Nous avons eu l'occasion, il y a 2 semaines, de filmer une petite séquence sur la sécurité informatique des réseaux sans fil, qui a été diffusée cette semaine à Radio-Canada dans le cadre du Point, je crois, ou des Nouvelles de 6 heures. J'ai pas vraiment vu moi-même les segments. J'ai eu des bons commentaires, par contre, où je tentais de vulgariser, présenter de façon objective et balancer les risques pas d'avoir des craintes, mais d'avoir bonne pratique, d'avoir une perspective intéressante. Je donnais l'illustration un peu comme les nutritionnistes il y a quelques années nous ont mis en garde contre l'utilisation non éclairée des différents types de produits de consommation qu'on avait. Eh bien, c'est un peu la même chose pour que j'ai tenté de faire pour l'informatique. Un point de vue éclairé sur la sécurité informatique des réseaux sans fil. Ce qui m'a donné envie de continuer de faire ça. Je fais beaucoup de conférences ces temps-ci. J'en ai fait une à PHP Québec il n'y a pas très longtemps, dans la traque Apache sur les échanges XML. Un petit peu dans le même sujet, j'en fais une à Québec le 16 et 17 mai dans le cadre de la conférence sur les logiciels libres en administration publique, où je vais parler de la sélection de standards ouverts XML dans le cadre du projet que j'ai fait pour l'industrie du livre au Québec avec la BTLF, où j'étais l'architecte principal au niveau du XML. C'est intéressant parce que finalement, les questions technologiques ne sont pas vraiment les plus importantes. Les questions politiques prennent de l'avant dans les grands projets. La gestion des attentes de tous et chacun. Et ce n'est qu'à la toute fin qu'on prend en charge les considérations technologiques qu'on devait avoir réfléchi auparavant, mais qui finalement ne prennent l'avant que vers la fin. Plusieurs liens sur le blog, là, sur les sujets que je viens de vous mentionner. Je vais essayer de trouver les liens aussi vers les reportages de Radio-Canada. Assemblée générale de facile pour l'appropriation collective de l'informatique libre qui avait lieu il y a le week-end passé. Vous pouvez trouver toutes les notes sur le site wiki de Facile. En gros, réélection du conseil d'administration. J'avais proposé de réduire le mandat des gens sur le conseil d'administration à un an et de refaire une élection générale complète du conseil d'administration pour garder cet organisme qui représente la communauté du logiciel libre au Québec le plus représentatif et crédible, justement. Ce qui a donné lieu à beaucoup de vagues et de changements. 5 nouveaux membres au conseil d'administration. Je vous épargne le détail de la liste, mais Nicolas Marchildon et moi-même sommes restés comme membres au conseil d'administration. 5 nouveaux membres, dont un nouveau président, la personne de Robin Millette, qui est très actif dans la communauté ici au Québec. Donc, c'est une bonne chose, selon moi. Peu plate, parce qu'on aurait voulu avoir plus de gens, notamment la représentativité des régions, peut-être de Québec ou de Sherbrooke, ce qui n'a pas eu lieu cette fois-ci. C'est encore un conseil d'administration montréalais. On verra ce que ça va donner. Mais je pense que c'est pour une bonne chose. Les gens qui sont là sont dynamiques, impliqués. Une organisation bénévole, alors ça prend des gens qui ont de l'énergie et du temps, c'est ce que je pense qu'on a. Donc, de grands changements, mais pour le mieux, selon moi. Ça devrait amener pas mal de dynamisme. Au niveau des affaires, nous sommes en train de développer une nouvelle plateforme de e-learning. Je sais que c'est e-learning, c'est un buzzword incroyable, qui veut pas dire grand chose, un peu comme CRM ou n'importe quoi, là. Mais on développe une nouvelle plateforme de e-learning basée sur un engin de blog qu'on est en train de réécrire. Donc, en parallèle, je vous annonce en primeur un nouvel engin de carnet qui sortira bientôt avec perspective focus sur les groupes. Donc, ça sera en première phase un engin de blog pour les groupes, suivi d'un agrégateur de groupes. Donc, le but de ça, c'est de faire une composante logicielle en Java facilement intégrable dans d'autres solutions. On a regardé un petit peu sur Roller, mais c'est un peu complexe, toutes les dépendances au niveau des frameworks de Roller. Donc, on voulait quelque chose de plus simple, un peu dans la veine de Movable Type et de WordPress, mais en Java, donc en orienté objet, et des composantes faciles à intégrer dans d'autres plateformes. On vous en reparlera. On cherche à le nommer. Mon inspiration du moment est sur les explorateurs québécois. Peut-être quelque chose comme Iberville, qui est un de nos héros. Ou Papineau, peut-être quelque chose du genre. On s'en reparlera. Si vous avez des idées, vous pouvez vous envoyer scarl@afrogandevalley.com ou @interstructure.ca, la même adresse. N'importe quoi, @afrogandevalley.com, ça tombe dans ma boîte de courriel, incluant les spams. Donc, peut-être pour deux derniers sujets pour terminer, j'étais vendredi au lancement de la coop UCAM de Tiger, le dernier système d'opération d'Apple. Très intéressant, article de fond là, sur Ars Technica, là, pour ceux qui veulent les vrai détail de geek, là, pas juste les trucs d'interface, mais vraiment les détails de l'architecture du système d'opération. Très intéressant. Ça reste un core BSD, ça reste du Unix avec la meilleure interface utilisateur disponible. C'est une combinaison difficile à battre. C'est ce que j'utilise au quotidien. Donc, j'ai eu la chance de faire un peu la promotion des logiciels libres sur ces plateformes propriétaires vendredi et de faire quelques installations de Tiger. Pas encore installé moi-même, mais ça ne devrait pas tarder. Ça reste un produit bien fini. Je compare ça un petit peu aussi à cette semaine au bureau. On a installé Mandriva, qui est la dernière distribution Linux, qui est la combinaison de Mandrake et de Connectiva qui se sont fusionnés récemment. Très poli de ce côté-là aussi. On commence à avoir des solutions très user-friendly, très puissantes. Par ordre de préférence pour le desktop, OS 10, Mandriva ou Ubuntu dans ses dernières releases qui sont très très utilisables, et quelque part en arrière, il y a Windows XP. Voilà. Sur le serveur, ça démarre Linux partout dans notre cas. Quoique OS 10 serveur est intéressant, mais niveau de composante réutilisable, Linux est imbattable d'après moi comme bloc de construction. On termine peut-être sur un projet que je débute dans les prochains mois. Ça s'appelle le projet Voices. C'est en collaboration avec la librairie Atwater. Je vais donner des classes de blog avec Michael Langsner d'Ils sans fil, avec qui je travaille sur d'autres projets aussi dans le cadre de mon travail. C'est quatre cours pour apprendre aux jeunes dans des situations difficiles, peut-être, des situations personnelles difficiles, à s'exprimer, à partager et à aller voir autour d'eux ce qui se passe. Donc, c'est fait en collaboration avec plusieurs associations, dont Love, qui s'appelle Leave Out the Violence à Montréal, une association bilingue pour les jeunes à risque dans des situations de violence. Je suis très content de pouvoir participer à ce projet-là. C'est quelque chose que je veux faire depuis longtemps. Je crois beaucoup au bien, aux implications sociales des technologies. Ça me donne l'opportunité de le faire pour de vrai. Alors, c'était le Frog Show du 30 avril 2005, enregistré entre 9h30 et 11h30 samedi soir dans ma banlieue sud, cette fois-ci. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère vous retrouver très bientôt. Et comme d'habitude, Je vous dis continuez de faire ce que vous avez envie de faire et de croire en ce que vous faites. Oui, c'est tout. Au revoir. C'était Sylvain Carle au micro. Et au laptop. Et à la console, et au montage, dans Audacity, et aux idées, et à la voix, et tout ça. À la prochaine.